Du trafic accroché à mon volant, je double dans tous les sens. C'est moi Michael Schumacher à fond dans ma belle Chrysler. Je suis le pauvre qui roule à gauche, j'aime bien faire peur aux motos. Attention, j'arrive, faites place au bolide. Attention, j'arrive, faites place à Titine. Attention, j'arrive, faites place au bolide. Attention, j'arrive, faites place à Titine. Je vois des flashs sur mon passage, le pilotage ça coûte cher, moyenne 5 fois par semaine. Heureusement qu'on vit en France, si t'es con mais que t'as de l'argent, tu peux cramer le bitume et défoncer les voitures. Attention, j'arrive, faites place au bolide. Attention, j'arrive, faites place à Titine. Attention, j'arrive, faites place au bolide. Attention, j'arrive, faites place à Titine. C'est moi le roi du trafic, accroché à mon volant, je double dans tous les sens. C'est moi Michael Schumacher à fond dans ma belle Chrysler. Je suis le pauvre qui roule à gauche, qui aime bien faire peur aux motos.